En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. C'est la campagne de recrutement au football collégial. On sait qu'avant ma petite pause la semaine passée, on avait fait des entrevues avec les Cougars de Chicoutimi et les Gaillards de Jonquière. Là, maintenant, on va parler, il nous restait une chronique, un côté à aller faire... Allez voir, c'est du côté des Généraux d'Allemagne au football. Parler du recrutement, on en parle avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. Salut Jean-Philippe. Salut. Jean-Philippe, ton recrutement cette année, est-ce qu'on est content du côté des Généraux jusqu'à maintenant? Parce que je pense que c'est le 1er mars, la date limite là. Oui, exactement. Donc, non, ça va bien pour l'instant. On est quand même content de ce qu'on voit. On a réussi à recruter là, pas mal à toutes les positions, là, ce qui est bien pour nous. Okay. Je suis allé en France aussi, donc on pense quand même ramener quelques bons joueurs de là encore une fois. Donc à date, ça se passe plutôt bien. C'est-tu pas mal confirmé ça restait à voir là, avec ces Français? Ouais, les gars n'ont pas tout confirmé. Là. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps, là, tant qu'ils font le démarche et tout. Mais il y a plusieurs cas intéressés là, qu'on parle avec, donc... Habituellement, ça devrait bien, ça devrait faire. Okay. Ta position de carrière, on sait que c'était problématique. Jean-Philippe Cordero prend sa retraite, prend sa retraite, s'en va avec le Rouge et Or de l'Université Laval, donc il était commis. Est-ce que ça t'a forcé beaucoup là-dessus? Oui, c'est certain qu'on a plusieurs noms, là, dont un gars en France là, qui nous intéresse. Au Québec, on a deux gars sur la liste. Là. On attend toujours là, de voir là, qu'est-ce qui va se passer. Je sortirai pas de nom aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de... C'est pas signé, c'est rien de fait, mais on est confiant d'être capable de ramener là, un, puis probablement deux au Québec, plus un Français. Donc, on devrait être capable là, d'avoir une belle relève à cette position-là. Les Français font vraiment partie intégrante. Hein? On dira ce qu'on voudra. Là. Ça fait deux minutes que l'entrevue a commencé. Tu parles beaucoup de la France. Comment tu vas avoir de joueurs français dans l'équipe l'an prochain? Hein? Je dirais peut-être, je vais avoir peut-être un 7-8 vétérans français, plus peut-être une quinzaine de français certains. C'est quasiment la moitié de l'équipe. Mais c'est ça, hein? Tu veux que je te dise? Oui, absolument, c'est la nouvelle réalité. Là, Réalité, c'est quelque chose. Puis surtout que cette année, c'était pas une année, François et également Nick me disaient que c'était pas une année pour de bons recrutements également pour vous autres, là, aussi, surtout dans la région, là. Non, c'est sûr que dans la région, il y a eu du gros recrutement là, dans le coin de Québec, là, dans ce coin-là, mais c'est sûr que pour nous, dans la région, là, c'était pas une grosse année. Là. Vous avez connu une bonne année. Une très bonne année l'an passé. Est-ce que ça s'est senti dans le recrutement? C'est sûr que c'est beaucoup le programme là, au Cégep. Là. Si le programme intéresse le jeune, il va être intéressé d'abord. Mais est-ce que vous avez quand même connu une bonne année? Vous avez quand même une certaine marge de manœuvre là-dessus. Est-ce que ça a paru? C'est sûr que c'est un plus. Là. Je dirais pas que tout se joue là-dessus, mais oui, c'est certain que c'est un plus. Nous, on était contents de notre année l'an passé, puis on peut miser là-dessus. Là. Les gars, ils savent vers quelle direction qu'on veut aller, puis c'est quoi les efforts qu'on fait pour pouvoir avoir une équipe compétitive. OK. Dis-moi aussi c'est la première. Le camp d'entraînement hivernal est commencé. Es-tu content de ce que tu vois? Oui, absolument, il y a du talent. Là. C'est ça qui est le fun. Je le vois qu'il y a du talent, mais mes gars de l'an passé se sont beaucoup améliorés. Les recrues sont talentueuses aussi. Donc, à date, c'est plutôt positif de ce côté-là. Là. On a des belles pratiques. Là. On n'est pas si nombreux, mais quand même, on a des bonnes pratiques. Là. C'est bien pour ça. OK. On va se reparler très, très bientôt. On va se parler tout au long de la saison. Jean-Philippe, un gros merci pour le plaisir de se reparler. Parfait, merci beaucoup. L'instructeur des Généraux d'Allemagne au football, Jean-Philippe Caron-Tremblay.